La fin du temps des encyclopédistes. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Autrefois, il y avait des gens qui cherchaient à accumuler l'ensemble des connaissances terrestres. Donc, ils ont rédigé des encyclopédies, qui sont des livres qui visent à faire la synthèse des connaissances qui existent au sein de l'humanité. Donc, c'est sûr qu'au 18e siècle, au 19e siècle, 20e, puis on est entré dans le 21e, d'accumuler des connaissances, ça a participé au développement de l'intellect. Donc, autrement dit, l'intellect, en ayant accès à de l'information, ça a favorisé le développement de réflexions de plus en plus sophistiquées, donc de formes qui sont le résultat de synthèses, de d'autres formes qui existent, ce qui fait que ça permet un raffinement de la forme. Donc, l'esprit des encyclopédistes a eu son utilité parce que cet esprit a permis d'accumuler beaucoup d'informations, d'en faire un traitement intelligent, de l'organiser. Et ça a permis un développement de l'humanité. Donc, les gens qui autrefois étaient très instables au niveau émotionnel, qui ont pu accéder à de la structuration de la connaissance et qui ont pu développer la science qu'on connaît à l'époque actuelle, qui a connu un essor considérable, tout ça, en relation avec la démarche des encyclopédistes, ça a été extrêmement intéressant. Par contre, cette démarche-là a ses limites et elle doit prendre fin parce que à mesure qu'il y a la multiplication de formes en lien avec des découvertes qui se multiplient, qui sont exponentielles au fil du temps, ça fait en sorte qu'un cerveau humain ne peut pas tout mémoriser ces informations-là et les entreposer. Et c'est sûr que le désir d'accumuler de l'information, comme on peut en accumuler, par exemple, sur un disque dur, c'est quelque chose qui, au niveau de l'esprit, est une perte de temps parce que la fonction de l'être humain, fondamentalement, ce n'est pas d'accumuler de l'information, c'est d'être capable de traiter avec l'information par canalisation. Donc, autrement dit, quelqu'un qui passerait son temps à lire des livres ou à aller mémoriser de l'information auquel il a accès sur Internet, bien, s'il passe juste son temps à faire ça, il n'est pas en émission créative. Et qu'est-ce qu'il fait? Il collectionne les formes, comme certains, par exemple, vont collectionner des timbres. Et en collectionnant les formes, ça ne lui permet pas d'entrer dans son identité créative parce que les formes sont à l'extérieur de lui. Donc, il va sans doute avoir une conception de lui-même comme étant un vase qui doit être rempli. Donc, comme une cruche qu'on doit remplir, par exemple, de l'eau qui peut représenter symboliquement la connaissance. Donc, qu'on va verser de l'eau dedans. Puis on va remplir quelqu'un. Donc, ça, c'est une vision du rapport à la connaissance. Alors que l'homme nouveau qui a accès à la fusion avec l'esprit qui est détenteur de toute forme de savoir sera plutôt au contraire un vase, un foyer en fait de rayonnement qu'il faut allumer. Et c'est à travers le phénomène de la parole vibratoire qu'il va pouvoir parler, qu'il va se donner accès d'une manière instantanée et immédiate à toute forme de connaissance auquel il a besoin dans le moment présent par canalisation. Donc il y aura un fonctionnement psychique beaucoup plus allégé. Parce qu'en réalité, d'avoir accès à de la connaissance, ça a son utilité temporaire dans le cadre du développement d'un individu. Donc, c'est sûr que, par exemple, d'avoir accès à de la connaissance pour être capable de conduire un véhicule automobile ou connaître les rudiments par rapport à conduire, ce soit un vélo, une motocyclette, et ainsi de suite, ça a son utilité. Sauf que l'homme ne doit pas vivre au fil du temps de connaissances parce que c'est comme s'il serait coincé à une étape de développement. Donc, c'est comme si on le garderait plafonné et saturé à une étape. Donc, quelqu'un développe son corps émotionnel, ensuite il développe le corps intellectuel où il va s'intéresser à la connaissance, l'organisation, la structuration. Et par la suite, l'être humain, normalement, doit développer son corps causal, c'est-à-dire sa conscience d'esprit, et constituer son double, c'est-à-dire développer une individualité qui lui permet de se construire une structure d'énergie qui est en relation avec l'absorption de la descente de l'énergie de l'esprit. Éventuellement, l'être humain doit en venir à ça, parce que s'il fait juste accumuler des formes, il ne développe pas une créativité. Il développe la capacité de reproduire des éléments déjà existants, ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas se renouveler créativement. Et s'il ne se renouvelle pas créativement, il ne peut pas être libre psychiquement puis être autonome dans l'autogénération d'un savoir par lui-même. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais mentionner. Donc, c'est sûr qu'à l'époque des encyclopédistes, de vouloir, par exemple, regrouper par écrit et de rédiger des encyclopédies pour faire la synthèse de toutes les informations qui existent au niveau scientifique, c'est une démarche qui était intéressante, qui a permis un certain degré d'évolution. Mais si la personne passe essentiellement de son temps dans sa vie à accumuler de la connaissance, la personne va se retrouver à connaître une souffrance intellectuelle, donc des maux de tête, parce que le cerveau humain n'a pas été conçu pour accumuler et entreposer le savoir, la connaissance d'une manière infinie. Parce qu'en réalité, l'être humain a été conçu plutôt pour avoir accès, tant qu'il y a à transiger avec la forme, parce qu'il n'est pas totalement télépathique, puis il n'a pas totalement intégré le processus de la fusion, oui, avoir accès à la connaissance est utile, mais de manière temporaire dans son évolution. Et lorsqu'il pourra avoir accès à plus, il va délaisser la connaissance pour émettre vibratoirement le savoir à travers sa parole vibratoire. Donc ça, c'est la façon que je vois ça. Avoir accès à un vocabulaire varié en lisant des encyclopédies ou des articles scientifiques, ça a son utilité dans le sens de lui permettre d'avoir accès à des formes raffinées pour exprimer le réel à travers sa parole. Donc, autrement dit, de faire la lecture peut servir à piger des mots dans le livre, des formes, pour exprimer le réel avec précision, avec clarté, avec limpidité. Mais si c'est de lire des livres dans l'optique de mémoriser ce qui a été dit dans le passé pour le répéter, la personne garde une conscience réflexive qui fait en sorte qu'il est soumis à des formes plutôt qu'être libre de ces dernières et de les utiliser pour supporter le mouvement créatif qui va émerger d'elles. Donc, autrement dit, les hommes nouveaux et femmes nouvelles qui auront une conscience immédiate du savoir en lien avec leur connexion psychique avec l'esprit, ne traiteront plus à travers le désir subjectif d'accumuler des mémoires et accumuler des formes, parce qu'ils vont avoir accès à toute information dont ils ont besoin dans l'instantanéité du moment présent à travers une canalisation vibratoire qui est le produit de la fusion. Donc, autrement dit, s'ils ont besoin de quelque chose, un peu comme un individu qui va ouvrir la champlure d'un robinet, il ouvre la champlure pour avoir accès à de l'eau, puis lorsqu'il n'y a plus besoin d'eau, il va fermer la champlure tout simplement. Il va couper le canal, il va couper la liaison psychique avec l'esprit et l'utilisation en fait de sa conscience pour aller sur le plan mental, pour aller épuiser l'information requise. Donc il va arrêter ça s'il veut se reposer du traitement des informations qui s'y trouvent. Donc, il n'y a pas besoin d'accumuler l'eau dans un bassin parce qu'il verrait l'eau comme étant quelque chose qui est le résultat d'une pluie aléatoire qu'il ne contrôle pas et qui arrive quand que ça arrive. Donc, quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir accès immédiat au savoir, il va avoir tendance à accumuler parce qu'il peut vivre la peur de manquer éventuellement de connaissances ou de savoir, alors que lorsqu'il entre dans son identité réelle, il réalise que c'est une illusion parce que son essence qu'il intègre et qu'il vit avec elle une communion psychique et savoir. Donc, de par sa nature, l'esprit est savoir. Donc, c'est impossible qu'un individu qui vit en unité psychique avec l'esprit puisse manquer d'informations ou de savoir parce que tout lui est donné intérieurement puis ça émerge. Puis l'esprit est créatif puis s'autogénère dans son mouvement. Donc, c'est sûr que plus qu'un individu intègre l'esprit, plus qu'il peut perdre d'intérêt à accumuler puis chercher de la connaissance et du savoir parce qu'il y a la sensation, il y a la perception que tout lui est donné dans le moment présent. Donc, autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que des démarches qui pourraient consister à ce qu'une personne se fasse, par exemple, mis en relation son cerveau physique avec une interface d'ordinateur dans l'optique d'augmenter sa capacité de mémoriser des choses, c'est des démarches qui deviennent futiles. Parce que toute l'information est là, il ne suffit que l'appuyer. Donc, toute l'information est disponible dans le cosmos. Il suffit que l'individu, par sa force de pénétration psychique, aille la chercher au moment opportun. Puis lorsqu'il en a la vibration, il va chercher ce qu'il a besoin. Puis lorsqu'il n'en a plus la vibration, il arrête d'aller chercher de l'information. Donc l'individu doit être totalement autonome. Il ne doit pas avoir besoin de se brancher à un iCloud de réseau d'Internet ou informatique pour avoir accès à de l'information. Il doit se brancher tout simplement sur sa propre ressource, son propre esprit. Puis avec ça, ben, il n'y a pas de problème de perte ou de bris de réseau. Dans le sens que quelqu'un qui est branché à l'esprit, bien cette personne-là peut se retrouver en nature. Puis là, si le téléphone cellulaire ne fonctionne pas ou sa connexion avec Internet ne marche pas, c'est pas un problème. Parce que s'il est en unité avec l'esprit, peu importe l'endroit qui se trouve sur la Terre, qu'elle soit desservie ou non par des antennes ou un réseau de télécommunications, ça ne change rien parce qu'il est branché intérieurement sur l'esprit. Donc, il a accès à tout le temps. Puis pour avoir accès à l'esprit, bien, c'est sûr que l'individu, il faut qu'il vive la fusion comme préalable. Et pour vivre la fusion, bien, ce n'est pas l'individu qui le décide, c'est l'esprit qui évalue lorsqu'il l'est prêt, puis il descend sur lui. Puis lorsque l'individu est en contact avec l'esprit, bien, il a juste à intégrer l'énergie puis traiter avec elle. Puis à mesure qu'il intègre l'esprit, à mesure que le désir subjectif d'accumuler de l'information va diminuer en proportion parce que quelqu'un qui est en contact avec l'esprit a un sentiment de plénitude qui va remplir le vide intérieur qu'il avait autrefois, qu'il pouvait chercher à combler en allant accumuler de l'information qui provient d'Internet, de livres ou de revues scientifiques. Donc plus qu'on est plein d'un savoir, moins on a besoin d'aller puiser à l'extérieur pour compenser un manque intérieur. Donc, c'est tout simplement ça, le processus d'évolution de conscience qui va faire en sorte que l'être humain de demain ne sera pas un encyclopédiste, mais ça va être plutôt quelqu'un qui va utiliser sa parole créativement pour manifester ce qu'il a besoin de manifester